impossible de bosser dans la chanson, mec, quand on est en indépendant. Par conséquent, les chances sont maigres. C'est quand j'ai osé poser, causer quand ma cause est grande, accusé qu'on m'abuse et qu'on m'a causé tant de problèmes. Mais sans rancune aucune, on cumule et recule, on plume dans la plume, aucune chance, mais on la tente quand même. Abuser, m'amuser, tu sais, je m'amuse et tu sais où tu peux te les mettre tes grandes promesses. Je vais t'y aider, je vais tirer des leçons du passé, gars, c'est quand ça tire dans tous les sens qu'on aime. Mais est-ce grave, laisse-moi de laisse passer, laisse boire que laisse clave graillera la main de son maître. J'ai misé sur la minutie de la mine et j'élimine ainsi les minots qui disent c'est alléchant de s'en mettre. Plein les poches, sale époque, glauque, foque, faut que ça te choque quand on te sort que les dames j'en protège. Un improbable danseur à peu de beaux parleurs propage des propos sales sans se connaître. Je veux pas de leur éloge à leur image, à leur où l'heure est grave. Regarde l'horloge, j'irai dans le sens contraire. Des pendules, ces temps, les temps sont tendus. On me l'a défendu, mais j'ai pendu le roi à ma branche scolaire. C'est détiré, même si je détruisais le stem. Si, même si j'attends avec impatience ton aide. C'est chelou, le ton monté, les tons nous sont à genoux. Le monde est à nous et c'est avec aisance qu'on est. Militant, j'ai misé, pris le temps, me limitant au rime. Étant donné que les tiennes se retrouveront dans le commerce. Pas un produit I, je mets les trois points sur les I. Je refais le monde à mon effigie, mais faut que je change moi-même. Pour l'instant c'est l'album, rien de plus. Bienvenue, fais comme chez toi, ça tient qu'à toi de prendre ton aise. La voix est libre. Détiré. Yeah.